Alors, bien-aimés, nous n'avons pas encore vraiment quitté la crèche de Bethléem, où nous nous sommes rendus mercredi soir pour contempler Jésus, Marie, Joseph, le saint foyer. Saint foyer que Dieu a choisi pour descendre et pour y jeter son feu, pour jeter le feu sur la terre. Pensez que Dieu a voulu s'incarner dans une famille. C'est se rappeler que la famille, création divine, est peut-être ce qu'il y a ici-bas de plus sacré pour Dieu. La famille, c'est l'écrin de choix qu'il a conçu pour forger l'humanité. C'est dans la famille que Dieu taille ordinairement les âmes, comme des pierres précieuses de grand prix. Et il aime follement la famille. Il veut nous la faire aimer. Et voilà pourquoi il nous a donné cette si belle et sainte famille à contempler. Nous devons la considérer comme toute autre famille, comme un mystère sacré, cette famille. Dieu aurait bien pu entrer dans le monde, penser, sans avoir recours à une famille. Il aurait pu apparaître indépendamment de toute paternité, toute parenté humaine. Il aurait pu descendre du ciel à l'âge adulte, sans attache. Mais il a voulu se soumettre à l'emprise pleine d'amour et de tendresse d'un père et d'une mère dans leur complémentarité nécessaire et irremplaçable. Tout ceci pour nous rappeler que c'est là, dans la famille, sous le regard du père et de la mère, que, naturellement, sont forgés les hommes. Dieu s'est fait homme, il s'est fait homme, vraiment. Et pour aller jusqu'au bout, il a été l'enfant choyé d'un père et d'une mère. Un père ferme, exigeant, tendre. Une mère pure, forte et douce. Tous les deux inondés d'amour, l'un pour l'autre et pour leur enfant. Alors regardons bien ces premiers instants de vie familiale qui contiennent l'essence de ce que sont les relations dans un foyer. Toute sainte qu'elle est, la famille du Fils de Dieu est en fait une vraie famille humaine. Dès les premiers jours, il faut imaginer la petite mécanique qui doit se mettre en place. Il faut changer le petit, il faut changer la paille dans la crèche, il faut préparer de quoi se nourrir, il faut accueillir tous les curieux qui débarquent sans prévenir. Et il faut s'atteler aux mille et une tâches de la vie quotidienne qui peuvent devenir très répétitives et même monotones. La Sainte Famille n'a pas été exempte des réalités d'une famille normale. Mais qu'importe, si c'est l'amour qui irrigue tout, Marie avec son cœur maternel, imaginez-la attentive aux moindres détails, comme toute maman, inquiète du moindre signe de faiblesse, du moindre soupir, de la moindre grimace, du moindre éternuement de son petit, elle se fait en même temps toute accueillante aux étrangers qui viennent. Qui viennent quoi? Eh bien, viennent se réchauffer le cœur auprès d'elle et auprès du petit, de son enfant bien-aimé. Marie, elle est comme la gardienne du rayonnement du foyer. À son contact, on comprend qu'un foyer, si on appelle ça un foyer, ça n'est pas pour rien. C'est qu'un foyer, ça doit être impérativement un lieu chaleureux, un lieu ouvert, un lieu tourné vers les autres, un lieu qui illumine. Alors on le protège, on le choye comme une flamme, mais uniquement pour qu'il puisse rayonner davantage. Dès qu'il se referme sur lui-même, alors il perd de vue sa mission pour le monde et il s'éteint ou il se dessèche. Quant à Joseph, nous pouvons l'imaginer paisible, toujours, mais affairé quand même autour de son épouse et de son enfant, conscient de son rôle, rôle de protecteur, rôle d'intendant de la famille de Dieu que Dieu lui a confié. Alors il est exigeant, mais il est souple, comme il convient de l'être lorsqu'on a dans les mains une matière humaine. Mais par-dessus tout, on devine la simplicité de Joseph et surtout son humilité. Tout ça est très déconcertant quand on le regarde. Et ils font que l'humanité de Jésus va grandir et fleurir sous le regard attentif d'un Père humain, reflet du regard du Père éternel. Joseph a bien compris que la sagesse nécessaire au gouvernement d'une famille, comme de toute affaire humaine bien sûr, mais particulièrement d'une famille, que c'est complexe une famille, que c'est compliqué, que c'est délicat, eh bien cette sagesse nécessaire, elle ne peut venir que d'en haut. En tant qu'époux et père, il doit se faire l'écho de la parole de Dieu et de sa providence. Joseph, avant d'être un homme silencieux, est surtout un homme qui écoute, un homme attentif à la parole de Dieu, attentif et obéissant. Voyez ce que l'ange lui demande dès les premiers jours de la vie du foyer. S'il lui parle, c'est qu'il est attentif. Il lui dit « Lève-toi, fuis en Égypte. Et puis ensuite, lève-toi, pars pour le pays d'Israël. Puis ensuite, va à Nazareth. » Et chaque fois, vous voyez, Joseph s'exécute, mais sans un mot, sans rien, sans aucune argumentation. Pensez donc, il faut aller en Égypte. Il faut traverser le désert du Sinaï, puis il faut revenir, et puis aller à Nazareth qu'il ne connaît pas. Chaque fois, il s'exécute sans aucune argumentation. C'est un modèle pour tous les pères, un modèle de confiance absolue en Dieu. Voilà ce qu'est un père humain. Il lui obéit sans discuter et sans délai. Ça, c'est toute l'humilité de Joseph, mais qui va faire toute sa force. Voyez, la famille de Joseph, eh bien, c'est la famille la plus sécurisée du monde. Elle est entièrement dans les mains de Dieu le Tout-Puissant. Alors ça vaut toutes les assurances, tous les comptes d'épargne. Ça vaut tout. Tous les calculs humains. C'est Dieu qui est le maître de la maison. Alors, c'est ce modèle de foi et d'obéissance que Dieu a choisi pour son Fils unique. Et c'est celui qu'il veut que nous choisissions tous. Bien-aimé, il est bon de se souvenir sans cesse de ce regard de Dieu sur la famille. Dieu aime les familles. Chacune de nos familles, parce qu'elles abritent la vie. Et il veut les protéger. Il le veut. Mais encore faut-il que Dieu ait son mot à dire dans la conduite de la famille. Il faut des parents et surtout des pères attentifs, des pères qui prient, qui chérissent le silence de la prière où Dieu leur parle et qui lui obéissent. Des pères qui acceptent de remettre leur propre vie et leur propre famille dans les mains de Dieu. Un père qui refuse de se soumettre à Dieu, qui refuse de se mettre à genoux pour prier humblement, qui refuse de confesser sa faiblesse fréquemment, de confesser ses péchés, de s'humilier devant Dieu pour l'entendre, pour le laisser lui parler. Un père qui refuse tout ça, eh bien, ne peut pas être un modèle de foi. Et je vous le dis, un père qui refuse ça, il faillit d'une certaine manière à sa mission de chrétien, sa mission d'époux et sa mission de père. On confond souvent, c'est le problème, c'est qu'on confond souvent la force, un père ça doit être fort, et l'orgueil. L'orgueil c'est de la faiblesse. La véritable force c'est l'humilité et l'obéissance. Et oui, aussi paradoxal que ça puisse paraître. Mais pour bien comprendre l'importance de toutes ces attitudes fondamentales, il faut revenir à la mission première de la famille. Parce que ça, c'est bien beau de dire tout ça. Mais si nous ne revenons pas à la mission première de la famille, nous tournons autour du pot. Nous le voyons dans l'exemple de la Sainte Famille, bien sûr. Elle n'est rien d'autre au final que quoi ? Eh bien, une école domestique de l'amour. C'est une école. Ça veut dire que c'est un lieu de transmission. La famille a pour mission de transmettre un héritage. Et on ne parle pas ici de fortune financière. Ça, c'est secondaire. Et d'ailleurs, le fisc s'occupe bien de nous le rappeler à chaque fois que les parents meurent. C'est secondaire. Il faut comprendre de quel héritage dont il est question là. Il est question en tout premier et de manière plus essentielle que tout de l'héritage de l'amour. Toutes les traces de l'amour vécu, toutes les traces de l'amour engrangées dans les générations antérieures, les traditions qui expriment cet amour, parfois l'austérité de la discipline spirituelle des anciens, de l'attention à Dieu, de l'attention aux autres. Eh bien, tout ça, c'est ce que la famille a mission de transmettre pour bâtir l'humanité sur le socle de l'amour. Alors, bien sûr, on peut discuter, on peut ergoter, débattre sans fin sur les méthodes, sur les styles d'éducation. La vérité, c'est que si nous ne sommes pas au clair sur le but ultime de toute éducation, eh bien, on nage dans le flou. Les uns diront, il faut avant tout apprendre l'autonomie à nos enfants. D'autres, il faut leur apprendre la liberté, ça revient un peu au même. D'autres, il faut leur apprendre l'esprit critique ou le sens de l'effort, les valeurs humaines, humanistes. Tout ça, c'est bien. Mais ça n'est pas le fondement absolu de la vie. La vérité, c'est que l'amour est le seul fondement immuable, stable, inébranlable de toute existence. Tout le reste en découle presque naturellement. Nos familles doivent être des écoles de l'amour. Des écoles où on apprend à faire passer Dieu et les autres avant soi. Des écoles du don de soi. Tous ceux qui ont manqué d'amour ou qui n'ont pas su accueillir pleinement dans l'enfance l'amour sont marqués de ce manque toute leur vie. Et la Sainte Famille de Nazareth est là pour nous enseigner nos familles sur les mystères de l'amour au quotidien. L'amour entre un homme et une femme qui se donnent l'un à l'autre, non pas qu'ils se sont donnés le jour du mariage, mais qui se donnent jour après jour, l'un à l'autre, mutuellement, dans l'obéissance, dans la confiance, soumis mutuellement. Ah, c'est sûr, Saint Paul insiste, femmes, soyez soumises à vos maris, mais il dit ailleurs, soyez soumis les uns aux autres. Alors bien sûr, il faut que la femme fasse un effort particulier. Mais l'homme aussi doit se soumettre à son épouse. Soumis dans l'obéissance et dans la confiance. Saint Paul dit, ce mystère est grand. Ah, si nous savions à quel point l'amour conjugal est grand. À quel point il est puissant. À quel point il est en réalité l'image vivante de l'amour de Dieu pour l'humanité. Est-ce que nous réalisons ça? L'amour entre l'homme et la femme est l'image de l'amour de Dieu pour l'humanité. C'est bien plus grand, bien plus haut que tous les sentiments amoureux ou les bien-être à deux. Et c'est parfois très difficile à accueillir parce que ça dépasse les considérations humaines. Mais si le moteur principal, si la motivation première du couple, c'est de vivre de cet amour qui vient du ciel, eh bien les choses se font simplement, humblement, silencieusement, chastement, presque mécaniquement, comme à Nazareth. Alors bien sûr, après cet amour conjugal, vient la paternité, la maternité. Et ça, c'est l'accomplissement de toute vie humaine. Tout homme, toute femme sur la terre s'accomplit dans une forme de paternité ou de maternité. La fécondité d'un couple, elle va manifester la fécondité de l'amour de Dieu. Alors il ne s'agit pas uniquement, bien sûr, de la fécondité biologique, que Marie et Joseph, remarquez-le, n'ont pas vécu ensemble. La fécondité de l'amour que Dieu veut pour les couples, c'est encore une fois d'un autre ordre. Il s'agit de donner vie à toute chose, donner vie au monde par le rayonnement du couple. Et ça vaut pour tous les couples, y compris pour ceux qui attendent, dans une grande souffrance parfois, un enfant qui ne vient pas. Et cette attente peut être le creuset d'un grand amour et d'un grand rayonnement. Rappelons que l'amour est toujours fécond. Il n'y a pas d'amour véritable qui n'ait pas le pouvoir de donner vie. Et je connais des couples biologiquement stériles qui sont par humilité, par amour, par soumission confiante et joyeuse à la volonté de Dieu, même si c'est très dur, qui sont d'extraordinaires sources de consolation pour des familles fécondes mais éprouvées. Quant aux chers enfants, eh bien, il faut qu'ils remarquent une chose. Les enfants, vous m'écoutez, hein ? Remarquez une chose à propos de l'enfance de Jésus, ce qu'il était pour ses parents. Il leur était soumis. Par-dessus tout, le secret que Jésus confie aux enfants pour être les enfants que Dieu veut qu'ils soient, c'est l'obéissance. L'obéissance à leurs parents. Jésus qui était Dieu, le maître de l'univers, a appris à obéir au Père du ciel en obéissant à Saint Joseph et à Marie. Il était tellement obéissant qu'il savait devancer leurs désirs et leurs besoins, avant même qu'il lui ait demandé quelque chose. Il avait deviné ce qu'il voulait et il avait déjà commencé à l'accomplir. Il obéissait toujours, il obéissait tout de suite et il obéissait de bon cœur. Ça, c'est un secret de sainteté que peu d'enfants connaissent. Ça marche aussi pour les ados, hein. Mais c'est la première et c'est la plus importante chose qu'ils doivent chercher à vivre dès aujourd'hui pour connaître le bonheur quand ils seront grands, le bonheur de connaître et d'accomplir la volonté de Dieu. Enfin, je voudrais parler aux familles qui sont blessées, les familles qui ont été parfois détruites, séparées, disloquées. Alors je vous en prie, n'oubliez pas que l'amour conjugal n'est pas une affaire simplement humaine. L'amour conjugal dépasse les réalités humaines. Et parfois, même au travers d'une séparation douloureuse, l'amour conjugal peut demeurer. L'amour conjugal doit demeurer. Par-delà même des séparations. Par-delà même un manque cruel d'affection. Vous voyez que ce n'est pas la même chose. Aimer et affectionner. Dieu est là. Il veut porter votre croix. Il veut vous charger de son joug facile et de son fardeau léger. Il veut que la croix que vous portez change de goût. Que la croix que vous portez prenne le goût de l'amour véritable. L'amour qui va jusqu'à mourir pour l'autre. Et qui dépasse toute forme de sentiment terrestre. Alors, bien sûr, dans ces situations, il s'agit de regarder les choses humblement et avec lucidité, d'accepter que bien souvent, les torts sont partagés. Et l'enjeu est très grand. Et parfois même, cet enjeu peut mener à des réconciliations miraculeuses. Je vous en supplie, s'il y a des histoires avec des enfants au milieu, ne les utilisez pas comme boucliers, ou pire, comme armes pour passer votre rancœur et votre colère. Rappelez-vous que, quoi que vous ayez contre leur père ou contre leur mère, tout enfant a besoin et de son père et de sa mère. C'est ainsi que va la vie, quel que soit le père, quelle que soit la mère. Et à cela, personne ne pourra rien changer. Alors, frères et sœurs, en cette fête de la Sainte Famille, alors que le ciel vient de s'ouvrir par la naissance du Fils de Dieu, je vous en prie, demandons ensemble à Jésus, Marie et Joseph qui nous regarde depuis la crèche, de soutenir, de consoler, de guérir et de bénir toutes les familles de la terre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.